apercevoir la lumière, lui passer l'anneau à l'annulaire de la cérémonie de l'alliance à l'adultère. Hélas, verser des larmes ne changera pas ce qui a pu faire de lâche. Une merveilleuse devra combler le manque du père et ne jamais baisser les bras malgré ses nombreux cancers. Je la remercierai en lui offrant de quoi la rendre fière. Elle qui m'inspire quand j'ai besoin d'air, de prendre mon temps loin de ceux qui n'en ont rien à faire. Et je prends le temps de répéter dans tout ça, j'ai besoin d'air, de prendre mon temps loin de ceux qui n'en ont rien à faire. Et je prends le temps de répéter dans tout ça, j'ai besoin d'air, de prendre mon temps loin de ceux qui n'en ont rien à faire. Affaire à suivre, la fine équipe, l'exhaleur, l'exhalour, l'exalchimiste. Et j'en placerai un dernier pour finir. N'hésite pas.